fois que j'entends ta voix, ça me fait quelque chose. Tu n'es pas ma chose, mais ma rose. C'est pour toi, désolé. Kevin sentimental, Kevin international, en quel homme idéal, béni aïe de banal, l'ai-tu déjà passé, moi qu'à demander où es-tu, parce que la fois moi savais, si aïe pas arrivé où, est-ce que j'avais nous brancher. En courant continu, mon monde t'es que vin gâché, ça nous qu'à vivre entre nous. Où t'es que dit ce bon Dieu qui fait si nous rencontrer, ensemble faut nous continuer. Trop fort pour moi, en que nous mets pour nous vivre tous les deux.